premier temps d'une semaine décalée de La Fabrique de l'Histoire qui a hier traité, comme beaucoup d'émissions de France Culture, des questions migratoires dans une journée spéciale. Demain, La Fabrique traitera dans son documentaire de l'histoire de la dissidence tchécoslovaque et de la charte 77. Jeudi, nous nous promènerons dans Prague médiévale et aborderons l'usage du Moyen-Âge lors de la montée des nationalités au 19e siècle. Et vendredi, eh bien, nous débattrons des nostalgies centre-européennes. Une série d'émissions qui a été rendue possible par l'Institut français et par le CEFRES, le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague, et sa directrice Clara Royer, qui nous a permis de réunir nos invités. Ces invités qui sont au nombre de deux dans cette émission d'ouverture de notre série, Andrei Leder, il est philosophe et psychanalyste, et Esther Balasch, qui tous les deux ont publié récemment dans leurs pays respectifs, la Pologne et la Hongrie, des livres qui ont relancé le débat public sur l'histoire. Premier temps d'une série d'émissions de La Fabrique de l'Histoire enregistrée à Prague, à l'Institut français de Prague, donc qui nous accueille et que nous remercions pour cela, avec des chercheurs et des chercheuses qui ont été réunis dans le cadre du CEFRES, dont la directrice est avec nous aujourd'hui. Bonjour Clara Royer. Bonjour Amélie Laurentin. Alors ça veut dire quoi CEFRES exactement déjà? Alors c'est le Centre français de recherche en sciences sociales. Et donc c'est un centre qui existe depuis combien de temps ici à Prague? Depuis 1991. Et qui a pour vocation de ne pas travailler simplement sur la République tchèque? En effet, il fait partie du réseau des UMIFR, donc c'est-à-dire qu'il est sous la double tutelle du CNRS et du ministère des Affaires étrangères. C'est un centre de recherche français à l'étranger. Et il a, outre une vocation bien sûr à réunir des chercheurs qui travaillent sur des objets qu'on appelle AREO, donc sur la région centre-européenne, hein, puisque nous travaillons vraiment sur et en Europe centrale, à réunir aussi des chercheurs de France, République tchèque, Pologne, Hongrie et Slovaquie qui travaillent sur des objets communs qui ne sont pas nécessairement des objets centre-européens. Et donc vous avez réuni, à l'occasion et au moment où nous venons justement à Prague, vous avez réuni des chercheurs qui venaient justement de toute cette zone, de Pologne, de Hongrie et de République tchèque, pour pouvoir réfléchir à la question des nostalgies dans cet espace géographique. Oui, en raison de l'actualité politique compliquée, complexe, qui n'est pas toujours très bien comprise en France notamment, nous nous sommes dit avec ces chercheurs que une petite journée d'études, de réflexion sur les usages du passé dans le présent, la relecture, ce qu'on appelle le révisionnisme historique, incessamment produit en ce moment, en particulier en Hongrie et en Pologne, avait du sens. Alors, il a tellement de sens que vous avez à vos côtés donc deux chercheurs. Andrei Leder, bonjour. Bonjour. Et Esther Balasch, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'un polonais et l'autre hongroise. Vous êtes parfaitement francophone, ce qui va faciliter notre discussion et notre débat aujourd'hui. Et pourquoi avez-vous, quand je vous ai demandé, Clara Royer, de préparer cette série d'émissions avec nous et de réfléchir à qui pourrait être avec nous, pourquoi avez-vous pensé à ces deux chercheurs en particulier, d'une façon de les présenter? J'ai pensé à eux immédiatement parce que... D'abord, leurs travaux peuvent entrer en résonance. Le centre est un centre interdisciplinaire. Et donc, on a l'habitude de faire parler sur des objets communs des chercheurs venus disciplinairement d'horizons différents, mais qui réfléchissent sur les mêmes objets. Andrei Leder, lui, est un philosophe qui a une vraie réflexion sur l'histoire de son pays pour essayer de comprendre le présent. Et Esther Balasch, elle aussi, qui est historienne de Budapest, elle... lit à ses travaux aussi une forme... Tous les deux sont des chercheurs plutôt engagés, hein, qui ont une vraie réflexion sur le XXe siècle. Et pour les présenter de façon un peu plus institutionnelle, eh bien Jay Leder est chercheur à l'Institut de philosophie et de sociologie de l'Académie polonaise des sciences. Et Esther Balage est chercheuse au musée Kaszak, qui est un musée qui travaille sur les avant-gardes, maître de conférence à l'Institut d'études supérieures Janusz Kodolany. Et tous les deux ont vraiment réfléchi sur ces grandes révolutions qui ont nourri et formé et en même temps sont déformées dans ce XXe siècle compliqué qu'est l'Europe même en général. Alors, on va commencer à discuter avec vous deux. Esther Balage, c'est vrai qu'il y a eu l'année dernière, c'était en 2016, un anniversaire. C'était celui du soulèvement de Budapest en 1956. Et vous avez, comme d'ailleurs Andrzej Leder un peu plus tôt, produit un ouvrage qui, dans le cadre de ce moment commémoratif, pourrait-on dire, a eu un rôle dans le débat public, et c'est pour ça que nous étions heureux de vous avoir à la Fabrique de l'Histoire, parce que cet ouvrage, vous l'avez publié avec Phil Cazohar, il y a maintenant un peu plus de 10 ans en France, aux éditions Les Arènes. Il n'avait pas été encore traduit en hongrois, et il était l'occasion, au milieu de centaines d'ouvrages, je crois qu'il y a plus de 200 ouvrages qui ont été publiés à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement de Budapest, il a été l'occasion de participer pour vous, en tant que chercheuse et en tant qu'historienne qui avait fait votre thèse entre la Hongrie et la France, dirigée par Christophe Prochasson, c'était une façon pour vous aussi de réfléchir à la réception d'un ouvrage comme celui-ci dans un contexte commémoratif. Oui, donc on a publié notre ouvrage il y a 11 ans en France, chez Les Arènes, en français. Et on devait attendre un moment fort pour pouvoir publier en Hongrie, puisqu'il s'agit d'un beau livre, comme on définit en France, un beau livre dont riche en illustrations. Il y a plus de 200, presque 300 illustrations dans le livre, donc c'est cher à publier. Donc on pensait qu'on était obligé d'attendre un moment commémoratif en Hongrie, quand il y a une attention particulière par rapport à ce sujet. Parce qu'il faut dire que même si tous les ans, il y a quelque chose qui sort sur 56, quand même, l'attention est toujours plus forte quand il y a... Une décennie qui est passée. Oui, il y a une décennie qui est passée. Il y a, quand les médias sont tournés aussi vers cette série d'événements très importants dans l'histoire hongroise, mais aussi importants dans l'histoire mondiale. Désormais, on sait quel rôle il jouait dans l'histoire mondiale. The New Cold War History a tourné aussi à cette série d'événements pour mieux comprendre les grands changements, la mutation du système soviétique. Alors ce beau livre n'est pas simplement un livre de photographie, mais un livre plus sûrement d'analyse de ces photographies dans le contexte commémoratif, dans le contexte politique et culturel depuis 1956. Et il s'intitule « Les héros de Budapest ». Et on pourrait presque voir, quand on connaît votre travail, alors peut-être pas de l'ironie, mais un peu de la distance par rapport à cette question de l'héroïsation de ceux qui se sont soulevés donc en 1956 à Budapest. Oui, le titre « Les héros de Budapest » a été donné par Paris Match pour montrer une série de photos qui ont été prises par des photographes étrangers dans les rues de Budapest. Et notre photo est la première en tête de cette série de photos dans le numéro 10 novembre de Paris Match. Donc, on a repris ce titre. On aurait pu mettre entre guillemets, mais on ne voulait pas en tant que titre d'un ouvrage. Mais un lecteur ou une lectrice qui commence à lire, qui prend dans ses mains notre bouquin, va comprendre qu'on est très loin de l'héroïsation des insurgés. La photo à partir de laquelle on a commencé notre enquête, montre un couple d'insurgés, donc des très jeunes gens armés dans les rues de Budapest, une jeune fille et un jeune garçon. On sait désormais, 10 ans ont écoulé depuis la version française, Phil Casoar, mon co-auteur, a réussi à identifier le garçon. Grâce à des bases de données qui circulent sur l'Internet. Donc l'Internet nous a beaucoup aidés pour découvrir de nouveaux éléments par rapport à notre enquête. Et on sait désormais que le garçon avait même pas 17 ans et il est mort dans les combats. Voilà, et on sait aussi son nom. Il s'appelle György Berki. Voilà. Et ces héros étaient au cœur de la commémoration récente. On y reviendra dans un moment avec vous, mais ces héros étaient au cœur de la commémoration récente de ces 60 ans du soulèvement de Budapest, puisqu'on les retrouvait même par la volonté du gouvernement. Sur les murs de Budapest, ces photos, parmi lesquelles on en trouvera certaines dans votre ouvrage, justement, étaient représentées en grand sur les murs de Budapest. Et c'est ce qui, d'une certaine façon, a provoqué une véritable crise autour du rôle de la représentation de ces héros de Budapest, 60 ans plus tard, par la volonté d'un gouvernement qui était particulièrement contesté par une partie de la population hongroise. Oui, sauf qu'ils ont une interprétation tout à fait différente de notre. Nous sommes des chercheurs. Nous voulions et nous avons fait ainsi d'établir la complexité du contexte de cette photo et toute une série d'autres photos qui ont été reliées à la photo de base. On a analysé les représentations, les auto-représentations de nos héros, entre guillemets, et des représentations particulières des deux côtés du mur. Comment cette photo a été reprise par la police politique en Hongrie pour retrouver des insurgés, puisque la police politique souvent avait feuilleté des magazines étrangères pour retrouver des têtes des insurgés et ils avaient mené une enquête pour une vraie enquête policière pour les retrouver, identifier et ensuite juger au tribunal dans des procès souvent en partie au moins montés, en partie basés sur des faits. Voilà, parce que c'était pas des procès montés dans le sens stalinien, c'était des procès plus éclectiques, si j'ose dire. Voilà, et de l'autre côté du mur, ils étaient représentés aussi, souvent comme des représentants des conseils ouvriers, des jeunes ouvriers qui cherchent la troisième voie entre capitalisme et communisme. Ils étaient interprétés cette manière aussi. On dispose notamment d'une carte postale où ils sont représentés comme du libertarisme, si je prononce bien, lié à la représentation des conseils ouvriers. Ce qui veut bien dire que les images peuvent servir à tout d'une certaine façon. On reviendra avec vous tout à l'heure à cette question des images, Esther Bollage, mais je voudrais maintenant me tourner vers Andrzej Leder, qui n'est pas historien, mais qui utilise l'histoire, vous utilisez l'histoire dans votre travail de philosophe et de chercheur à l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences polonaises de Varsovie. Et en plus, vous utilisez un autre outil qui a été utilisé parfois par les historiens, en particulier dans les années 70, puisque vous êtes psychanalyste et vous intéressez à la question de la psychanalyse. Et ça a été une façon pour vous, Andrzej Leder, de relire le passé, de plus d'un demi-siècle d'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale de votre pays, la Pologne, à l'aune justement de ces représentations, mais pas simplement de ces représentations positives, mais aussi de ces trous de mémoire, de ces oublis qui, selon vous, sont considérables dans la façon dont on envisage l'histoire en Pologne aujourd'hui. Alors, on pourrait prendre une autre image iconique, pas simplement les héros de Budapest, mais le petit garçon de Varsovie qui a circulé et qui circule encore sur dans tous les manuels d'histoire du monde entier, d'une certaine façon, et qui représente la capacité du peuple polonais à résister à l'occupation et à se lever, parfois, au risque de sa vie. Vous, ce qui vous intéresse, c'est moins cette représentation héroïque que tout ce qu'on n'a pas vu ou pas voulu voir dans ce passé polonais qui, selon vous, encombre considérablement le présent des Polonais aujourd'hui. Oui, ce qui m'a poussé à commencer à travailler sur ce livre, c'est surtout quelque chose qui, d'une certaine façon, saute aux yeux, c'est-à-dire que une profonde transformation, une transformation révolutionnaire de la société polonaise est pratiquement refoulée, pas présente du tout dans le discours historique. Le discours historique qui est concentré sur le combat militaire ou politique des institutions polonaises contre les occupants dans la période 39 jusqu'à 89, mais qui ne parle pratiquement pas de la transformation sociale de la société polonaise. Et là, il y a des faits qui existent dans la conscience historique polonaise, c'est-à-dire il y a la Shoah, il y a la réforme agraire qui a destituer les propriétaires fonciers de leurs biens et de leur rôle social, de leur position sociale, et qui s'est passé dans les années 45-48. Et il y a la terreur stalinienne et l'industrialisation dans les années 50. Mais il y a une incapacité de faire un tout de ces éléments séparés. Et donc, dans ce livre, j'ai essayé de faire un tout, de montrer que ça a été un processus et que la situation de la société polonaise avant la Seconde Guerre mondiale et après 56, c'est une situation vraiment qui peut être comparée à la France d'ancien régime et de la Restauration. Disons que on pourrait dire il y a toujours le roi, mais la différence sociale est considérable ou très très profonde. Et donc c'était ça l'idée, ce qui a été aussi un élément important, c'est le fait que cette révolution a été faite d'une certaine façon par les mains des autres, c'est-à-dire la destruction de juifs polonais a été en grande partie faite par les Allemands nazis, même s'il y avait une participation de la société polonaise plutôt passive qu'active. Et après, la révolution sociale a été performée grâce à la présence de l'armée rouge et de forces soviétiques. Et donc, il n'y avait aucune autorité, ni autorité politique, ni autorité morale, qui aurait pris responsabilité pour ces changements. C'est pour ça que vous intitulez cette révolution qu'on aurait pu appeler révolution silencieuse. On a appelé cela révolution silencieuse dans d'autres contextes historiques et géographiques. Mais vous appelez ça la révolution des somnambules. Et quand on entend ce terme de somnambule aujourd'hui, malheureusement, parce que le terme a été utilisé par un best-seller international de Christopher Clarke à propos de la Première Guerre mondiale, ce terme de somnambule, vous l'avez utilisé volontairement justement en référence à ce travail de Christopher Clarke ou pas du tout, Angèle Leden? Non, pas du tout, mais je pense que l'intuition est semblable, c'est-à-dire que il y avait une participation, et je dirais même une participation massive dans ce changement, le peuple paysan qui était le Polonais en 39, a participé, a, je dirais, pris les biens qu'on lui a été donné pendant cette révolution, mais sans qu'il y aurait une légitimation symbolique de cet acte, sans qu'on aurait proclamé une nouvelle société, une nouvelle république. Et donc, oui, il y avait la République populaire, mais elle avait une légitimation faible, comme elle était quand même amenée par l'armée rouge. Et donc, du point de vue de l'imaginaire social, ça n'a pas vraiment changé façon de s'auto-représenter par les Polonais. Ça n'existe pas, d'une certaine façon, dites-vous, dans la société contemporaine, que de penser cette révolution comme une révolution qui a éradiqué l'ancienne noblesse, qui a détruit et fait détruire, disparaître les Juifs de Pologne quasiment totalement. Et il faudrait penser cela comme une révolution, et pourtant la société polonaise ne veut pas la voir comme une révolution. C'est ce qui explique peut-être aussi, dites-vous... Je dirais que c'est plus ambigu. C'est-à-dire, une des choses qui a été une surprise, d'ailleurs, plutôt plaisante pour moi, c'était qu'il y avait un écho très fort de ce livre. Oui. C'est un livre académique. Un débat. Oui, alors, il y avait un débat. Un débat intellectuel, déjà. Et il y avait un débat intellectuel, il y avait une réaction de, disons, milieu historique, de milieu intellectuel, milieu littéraire, qui ont discuté ces livres. Mais peut-être ce qui a été le plus important pour moi, c'est que pour un livre académique, c'est devenu un best-seller. C'est-à-dire, il y avait énormément de gens. Et moi, je pense que c'est des gens de la nouvelle classe moyenne polonaise qui ont lu ce livre. Et j'ai reçu énormément de lettres, complètement privées, de lettres privées de gens, et qui ont commencé de fouiller dans l'histoire de leur histoire familiale, parler avec leurs parents, parler avec leurs grands-pères, et ont détecté certaines histoires concrètes. Par exemple, je vais citer ici une histoire, c'est-à-dire une femme qui m'a écrit, qui disait qu'ils ont habité dans une maison, dans une petite ville polonaise, mais elle n'a pas connu l'histoire de cette maison. Alors, quand on a une maison, normalement, on sait que le arrière-grand-père qui a fait quelque chose, il a acheté une maison, il a bâti une maison. Non, rien de cela. Et donc, après avoir lu mon livre, elle a demandé sa mère d'où vient cette maison ? Pourquoi on possède cette maison ? Et la mère a été très énervée et elle n'a pas voulu parler. Mais elle a retourné quand même à ce thème, deuxième fois, troisième fois. Et à la fin, la mère a dit, il y avait un monsieur qui habitait avec nous après la guerre. Après, ce monsieur est parti, mais il nous a laissé la maison. Le monsieur. Et alors, elle a quand même fouillé encore un peu. Et il s'avéra que c'était un juif polonais qui possédait cette maison avant la guerre. Après la guerre, pendant la guerre, la famille de cette dame l'a sauvée. Par contre, sa famille n'a pas été sauvée. Après la guerre, il est parti en Israël ou aux États-Unis, ça on ne sait pas. Et donc, il a laissé la maison à cette famille de cette dame. Mais pendant des dizaines d'années après la guerre, c'était un thème qui n'a pas pu être évoqué. Être traité. Oui. Et ce écho, pas seulement dans le milieu intellectuel, mais surtout dans une certaine partie de la, comme j'ai dit, la classe moyenne en Pologne, j'ai l'impression que ça a été le plus impressionnant pour moi. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Comment fait-on son chemin en tant qu'historienne avec un travail littéraire, un travail d'édition, au milieu de tout cela et au milieu de cette multiplicité d'interprétations? On peut dire que le livre d'André Leder arrive dans un moment où il est le seul ou le premier à s'intéresser à ce moment qu'il veut définir entre 1938 et 1956 pour son propre pays, la Pologne, et que vous arrivez dans un moment où tout le monde interprète de façon très baroque, pourrait-on dire, ce qui s'est passé en 1956 à Budapest. Oui, déjà, les histoires individuelles sont très recherchées, ça c'est sûr, par rapport à n'importe quel sujet historique. Mais il est très difficile de faire une enquête pour identifier des simples gens de la rue qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas des intellos, qui n'étaient pas des politiciens, ni des fonctionnaires, ni des représentants des conseils ouvriers ou des comités révolutionnaires qui étaient des organes de la révolution en 56. Donc, il y a 10 ans, justement, le livre qui avait fait le plus d'écho en 2006 en Hongrie, donc pendant le 50e anniversaire, c'était le journal d'un petit garçon de 13 ans. L'innocence qui avait un regard, l'équivalent du journal d'Anne Frank pour ce qui lui est arrivé par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire c'est la jeunesse qui regarde des événements qui la dépassent et qu'il tente d'interpréter. Peut-être qu'il était même plus jeune que 13 ans, excusez-moi, donc il avait vraiment un regard d'enfant sur les événements. Bon, notre enquête est aussi plutôt original dans ce sens, si j'ose dire. On était parti à partir d'une seule photo et on a remonté toute une histoire complexe qui touche pas seulement l'identification des personnes sur la photo, mais aussi le photographe, qui était le photographe, mis dans le contexte du photojournalisme de l'époque, des photographes étrangers qui étaient venus en très grand nombre à Budapest. Donc c'est un événement très très médiatisé. Et notre héroïne, c'est une découverte toute récente aussi qui date d'un an. Donc on a découvert aussi grâce à l'internet que dans Desert Sun, qui est un journal californien, on a découvert qu'une interview avec elle, avec Yutka, avait été faite par un journaliste américain le 3 novembre 1953. Donc justement une interview qui nous avait manqué énormément à l'époque quand on avait publié pour la première fois notre livre en France. Donc une interprétation des événements par notre héroïne elle-même. Donc c'est génial que grâce à l'internet, grâce aux journaux qui sont maintenant digitalisés, on a retrouvé cette interview avec elle. Donc la mémoire individuelle, les autoreprésentations sont beaucoup plus accessibles maintenant. Alors, la particularité aussi de la réception de ces photos, de cette commémoration des héros de Budapest en 1956, c'est que le contexte politique a changé entre 2006 et 2016, et que vous vous retrouviez avec un gouvernement qui avait sa propre interprétation des faits, et qui était conseillé par une historienne qui s'appelle Maria Schmidt, qu'il faut citer ici, qui, ce gouvernement, a décidé de mettre donc des posters géants de ces héros de Budapest dans les rues. Et l'un d'entre eux, de ces posters, a donné lieu à une polémique sur la photographie, sur qui représentait la photographie, qui était sur la photographie. Polémique dont on n'est encore pas sorti presque un an plus tard, donc... puisqu'il y a des procès qui sont en cours et qu'il y a une discussion qui s'est enflammée autour de l'usage politique d'une photographie prise il y a 60 ans au moment du soulèvement de Budapest, Esther Bollage. Même si notre livre n'a pas été traduit jusqu'à l'année dernière, ils auraient pu connaître notre enquête puisque j'ai publié des articles dessus, donc le livre français était aussi accessible pour eux. Ils auraient pu se renseigner un peu, et ils auraient pu se rendre compte qu'une enquête à partir des photos des simples insurgés, c'est une enquête très difficile à faire, très difficile à mener. On ne peut pas accrocher des noms comme ça à tous les insurgés facilement qu'ils ont fait. Parce que la photo qui a fait un scandale, c'est une photo d'un jeune adolescent de 13 ans qui apparaît sur une photo de Michael Rougier, un photographe britannique qui était photographe de Life, photoreporter de Life. Et par hasard, Mais ça, on a vu aussi par rapport à nos héros, qui ont été aussi photographiés par d'autres photographes étrangers, donc pas uniquement par Asmelcher, mais par Mario de Biasi, dans d'autres lieux de Budapest. Ce jeune homme de 13 ans, il a été photographié par deux autres photographes étrangers, dans d'autres lieux, avec d'autres armes aussi. Donc voilà, donc il a été photographié aussi par Eric Lessing, qui a toujours vivant, il a le doyen des photographes étrangers, un Allemand, et par David Hearn, un Britannique. Et sa photo, par exemple, et ses photos avaient été publiées dans des livres qui sont accessibles depuis des années 60. Donc, le problème, Maria Schmidt et voilà. Son équipe, ils auraient pu vraiment vérifier les versions de photos qui sont accessibles depuis des décennies. Donc je suis perplexe. Comment ça se fait qu'une équipe de chercheurs qui sont ultra bien payés, excusez-moi, mais la Maison de la Terreur et qui a entrepris ce travail de campagne de commémoration. Basée sur de commémoration, ils avaient vraiment un financement remarquable. Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas accès aux livres publiés depuis des décennies? Oui, parce que il faut dire qu'ils ont voulu mettre un nom. Oui. C'est ça le problème. Ils ont voulu mettre un nom sur un de ces jeunes hommes, ce jeune homme de 13 ans, qui était représenté dans plusieurs photographies de l'époque parmi les soulevés de Budapest. Ce nom, c'était quelqu'un qui s'est dit que c'était lui. Il s'appelait Laszlo Dosha, c'est ça? Oui, c'est le comité de 56, voilà. Donc la Maison de la Terreur qui a mis Laszlo Dosha. Voilà. Mais la légende de Michael Rougier dit clairement qu'il s'agit de Paul Prouk. Et le photographe britannique lui avait demandé son nom. Il paraît parce que Michael Rougier était très intéressé aux enfants dans des situations de guerre, des situations de crise, et il portait une attention particulière à nommer l'enfant qui représente qu'ils appelaient Paul Prouk, donc oui. et c'est lui, donc c'est sa véritable identité, elle est prouvée historiquement, mais le gouvernement hongrois de l'époque, donc celui de l'année dernière, avec qui Maria Schmidt, qui est toujours là d'ailleurs, a voulu absolument tenir à sa propre interprétation. Ah oui, parce qu'on ce qui a poussé à une sorte de polémique publique. On voit bien incroyable. Qu'il s'agit d'un mythe, qu'il veut créer un mythe. Ils ont uniquement une approche mythique par rapport à l'histoire. Donc, mythique, mais déjà il osait aussi manipuler des photos, hein. Souvent, c'est vrai. Bon, on dirait la question de la manipulation de photos dans les pays d'Europe orientale. Oui, dans l'époque de Photoshop, c'est pas très étonnant. Même mais, depuis longtemps. Et on comprend aussi que quand même une grande partie des insurgés ils ne disposaient que des photos d'identité sur eux, qui ont été souvent prises par la police secrète quand ils avaient mené une enquête, par rapport à eux. Ils complétaient donc les photos d'identité. Ils ont rajouté un corps, ils ont rajouté des vêtements et souvent des vêtements. Par exemple, un insurgé d'origine tzigane dans le Korvinkeuse, parce qu'il y avait plusieurs hommes aussi parmi les insurgés de la rue, n'aurait jamais pu avoir quoi, un manteau plutôt élégant de Budapest. Donc vraiment, il ne portait pas attention même pas à ces genres de détails. Donc ils ont coloré des photos, embelli, idéalisé notre héroïne, par exemple, qui figure sur la photo de Melcher. La photo de Melcher a été coupée en deux. Ils ont enlevé le garçon puisque le garçon n'avait pas encore été identifié l'année dernière. Il n'était pas au courant. Donc, ils ont coupé en deux. Ils ont mis Spongo Juliana sur une grande affiche à Ferenciek Tér, à plein centre de Budapest. Affiche géante, comme ça, comme s'il avait été représenté toute seule sur la photo. Et Melcher, évidemment, le photographe était halluciné, était choqué que ça, sans son autorisation, ils avaient utilisé sa photo et de cette manière. Mais qu'est-ce que ça dit, Esther Bollage, de la question du rapport au passé de cette société, puis peut-être aussi du rapport à ce passé-là de 1956 aujourd'hui, cette polémique, parce qu'on peut se dire c'est une polémique de droit d'auteur, de représentation, de la bonne représentation du bon personnage sur la bonne photo, mais ça va plus loin que cela, d'une certaine façon. C'est toute la question de la politique mémorielle mise en œuvre autour de ce soulèvement de Budapest, du rapport de droite et de gauche dans un pays où, quand on est de gauche, comment peut-on se référer à cette période stalinienne ou post-stalinienne? C'est compliqué aujourd'hui. Donc, au bout du compte, c'est la droite qui fait la politique mémorielle. Oui, 56, depuis le changement de régime, depuis 1990, représente une base de légitimation pour les partis politiques. C'est clair. Bon, les partis politiques forment leur identité par rapport au passé aussi. Donc, 56, c'est un moment important pour les Hongrois et pour les politiciens. Mais bon, la gauche n'était jamais très confortable avec 56. Le Parti socialiste, qui était héritier de l'ancien Parti communiste. Mais il y avait plusieurs usages, bien sûr, il y avait des usages pluriels de 56, qui est normal. Par contre, depuis 2010, depuis que le nouveau gouvernement de droite est au pouvoir, Viktor Orban en tête, il paraît que c'est uniquement la droite qui a une politique mémorielle marquée et qui évolue aussi. Oui, parce qu'elle n'est pas non plus très à l'aise par rapport aux communistes réformateurs que pouvait être Nagy, par exemple. Oui, justement, ils rentrent difficilement dans leur narration. Donc, il y a toujours un problème. On ne fait pas rentrer tout le monde dans la photographie, pourrait-on dire. Il y en a certains dont on voudrait bien qu'ils ne soient pas sur la photographie. Et ces communistes réformateurs, et pour la gauche et pour la droite, sont quand même malaisés parce qu'ils empêchent la confrontation gauche-droite classique, d'une certaine façon. Oui, Imre Nagy était une figure symbolique très importante de la Révolution. Même si la Révolution n'a pas eu un chef, il a eu bien des figures symboliques connues. Bon, des politiciens, des intellectuels, mais cette nouvelle élite politique au pouvoir évite de les intégrer dans l'histoire qu'ils utilisent à leur propre fin. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient opté pour les insurgés. En disant que ce sont des freedom fighters dans les rues qui avaient vraiment fait la révolution. C'est vrai que c'est eux qui ont attaqué avec des cocktails Molotov les tanks russes, mais bon, ça a aussi un rôle important, je nie pas, mais c'est un des types d'acteurs pendant la Révolution. Ça dit quand même beaucoup de choses. Et ils n'étaient pas des anges non plus. C'est ce qui est étonnant, que les affiches veulent les montrer comme des tout juste, des hommes et des femmes tout juste, carrément angéliques. Je m'y ai ça pose énormément de questions, ce que vient de dire Esther Bollage, j'imagine, au psychanalyste que vous êtes et à celui qui utilise la psychanalyse dans son travail de philosophe, Andrzej Leder, parce que c'est de savoir de qui on veut descendre. Quels ancêtres on se choisit. Et tout compte fait, c'est ce que vous mettez au cœur de votre travail sur la révolution des somnambules par rapport au cas polonais. C'est ce que l'on va chercher dans le passé et ce que l'on ne va surtout pas chercher et qu'il faudrait peut-être, selon vous, convoquer et avoir auprès de soi dans la Pologne contemporaine pour mieux vivre en Pologne aujourd'hui. Oui, je pense que d'une certaine façon, on touche à des thèmes qui sont universels, c'est-à-dire le refoulement d'une partie de l'histoire, c'est quelque chose qui a été le cas de tous les pays européens. Je pense qu'en France, la période de Vichy a longtemps été refoulée. Je ne sais pas à quel point elle est déjà consciemment travaillée aujourd'hui, donc... C'est un passé qui ne passe pas, disait Henri Rousseau dans un de ses livres, mais c'est déjà ancien, et on peut dire d'une certaine façon que peut-être on a plus ou moins travaillé depuis une vingtaine d'années sur cette question-là. Oui, et je pense qu'en Pologne, il faut le voir aussi d'une telle façon que les débats autour de mon livre a été un élément d'un conflit profond qui a commencé après 89, où une partie des intellectuels polonais ont vraiment travaillé les questions, surtout les questions de comment l'appelle en Pologne le limite de la Shoah, c'est-à-dire le territoire limitrophe de la Shoah, et l'attitude de la population polonaise envers cet événement. Avec le débat autour du livre Les voisins de Jan Gross, avec les travaux de Jan Garbowski et de tout un tas d'autres. Exactement, et Barbara Engelking, c'est vraiment un grand travail qui a été fait, mais qui était choquant pour la conscience collective polonaise, pour la mémoire collective polonaise, et donc ça a suscité une très forte réaction. Et bon, symboliquement, on appelle ça se mettre debout parce qu'on nous a mis sur le genou. Et donc, c'est comme ça que les Polonais parlent de cette histoire. Pas les Polonais, c'est la droite polonaise qui parle comme ça de cette histoire. Donc, elle se considérait comme à genoux du moment qu'on. Enfin, c'est la critique de ce qu'on appelle en France ceux qui disent on pratique trop la repentance d'une certaine façon. C'est exactement ce que pense la droite polonaise. Exactement. Et si on écoute l'Alternative für Deutschland en Allemagne. C'est exactement le même propos. Discours. Donc, je pense qu'il y a un élément universel. Alors, si on emploierait le langage psychanalytique, on dirait la résistance. C'est-à-dire au moment où quelque chose commence à faire surface, il y a toujours un fort mécanisme de résistance contre ça. Et je dirais que d'une certaine façon, la période politique qu'on croit, c'est un peu la période de résistance, pas seulement résistante contre ceux dont on parle, mais c'est vraiment une période de résistance contre des différents éléments de modernisation qu'on a eu pendant les 20 dernières années. Et dans ce sens, la mémoire est devenue l'otage de la politique. Et on retrouve des éléments très similaires avec la Hongrie. Avec la Hongrie, par exemple. C'est-à-dire des instituts qui sont chargés de gérer la mémoire, par exemple. Oui, et même au niveau de la représentation. C'est-à-dire, parce que moi, je dirais que cette image de jeunes combattants héroïques qui sont mises dans les posters dans la rue, sur les posters dans la rue. C'est exactement la même chose qui se passe à Varsovie. Il y a ce qu'on appelle maintenant les soldats maudits, c'est-à-dire les soldats qui n'ont pas déposé leurs armes après 1945 en Pologne, qui ont continué à combattre, en particulier les soviétiques. Ils ont été souvent aussi mêlés à des crimes. Mais maintenant, ils sont devenus les héros, et donc les héros. Et donc on retrouve de grands posters avec les images complètement idéalisées de ces personnes. Parfois, c'était vraiment des héros. Parfois, c'était des bandits. Mais je pense que le sens politique est, à vrai dire, la militarisation de la mémoire, c'est-à-dire on n'est plus dans la situation d'un conflit de culture, de conflit de différentes politiques, on est en guerre, on est ou du côté des insurgés, ou on est un traître. Et je pense que c'est un peu la politique qui est très similaire en Hongrie et en Pologne, c'est-à-dire une certaine militarisation de la mémoire. Esther Bolage, c'est-à-dire il faut se créer des ennemis, il faut qu'on ait un ennemi et que cet ennemi soit bien visible. Esther Bolage, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Andrei Leder? Oui, je viens de savoir l'existence des soldats maudits. Et, oui, apparemment, on cherche des symboles. Déjà des gens armés. Mm-hmm. Ça, c'est important, ouais. Qu'ils étaient armés. Et puis qu'ils étaient jeunes et que souvent ils étaient aussi disparus ou morts dans les combats ou jugés dans les procès, donc martyrisés en quelque sorte. Par exemple, notre héroïne, il était parti en Suisse d'abord et en Australie, donc elle n'était pas devenue martyr. Oui, une des questions, et là vous dépassez le cadre de l'histoire d'une certaine façon, Andrzej Leder, c'est quand vous réfléchissez à ce que ce trou de mémoire collectif serait, et là c'est presque plus le psychanalyste qui parle, serait la généalogie maudite ou la généalogie non dite ou la généalogie noire ou négative de toute la classe moyenne polonaise aujourd'hui, dites-vous. Et là, ça n'est plus un travail d'historien en tant que tel, c'est autre chose, mais c'est aussi peut-être pour cela que votre livre a provoqué un débat très vif, c'est que vous dites à tous ceux qui vivent mieux dans la société d'aujourd'hui, à cette classe moyenne qui a des taux de croissance assez favorables aujourd'hui, vous leur dites, eh bien écoutez, regardez derrière, parce que cette croissance que vous connaissez aujourd'hui, elle est peut-être due à l'absence des autres dont vous ne voulez pas parler ou pas entendre parler. Ce qui m'a choqué d'une certaine façon, interpellé à un certain moment, c'est la dissonance entre les succès, la performance économique d'une grande partie de la société polonaise et le manque d'une force politique qui répondrait à ça. Et je pense que ce manque, c'est quelque chose qui est lié à une faible légitimation symbolique de cette classe, disons, qui est la classe moyenne. Et ça me rappelle, où je trouve qu'il y a un parallèle avec la situation de l'Allemagne à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire un pays d'une performance absolument énorme en économie, en science, en culture, et en même temps qui cherche ses sources dans la mythologie germanique du 1er siècle et dans les combats avec les Romains ou de choses comme ça. Arminius et les autres. Oui, c'est ce monument qui est au milieu de l'Allemagne, énorme, d'Arminius, c'est vraiment caricatural. Et dans ce sens, c'est un peu comme en Pologne, la nostalgie du passé de la première république polonaise qui était une république des nobles. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est la société qui est d'un côté très performante, mais qui ne trouve pas une symbolique dans son passé direct, et donc qui va le chercher retour, beaucoup plus loin. Qui va le chercher, je ne sais pas où. Et ça, c'était un peu ce que la discussion autour de mon livre a provoqué, c'est-à-dire la question de la légitimation du nouveau ordre social en Pologne. Et le problème, c'est que cette légitimation est faible, et face à cette légitimation martyrologique de la droite polonaise, employée ou utilisée par la droite polonaise, j'ai l'impression que qu'elle ne fait pas suffisamment de poids. Donc, Une des raisons de la force de la droite polonaise, c'est qu'elle peut puiser de ce magasin, je dirais, de symboles, de représentations martyrologiques, héroïques, qui sont très très forts en Pologne, alors que la partie démocratique, je dirais, ne trouve pas vraiment, est un peu gênée par sa propre généalogie. Merci beaucoup à tous les deux, Esther Bollage. On peut encore trouver votre livre aux arènes, il est encore disponible en français. Oui, je crois. Voilà, je donc crois. Signé avec Phil Kazohar, donc sur les héros de Budapest, paru en 2006. Mais vous veniez pour nous parler de cette traduction qui vient d'être faite, donc en hongrois, qui participe au débat en Hongrie aujourd'hui autour du soulèvement de Budapest. On peut espérer la traduction, Andrzej Leder, de votre travail sur la révolution des somnambules. On peut déjà voir dans la revue d'études comparatives Est-Ouest un extrait de ce travail, un article que vous avez publié sur ce livre qui a fait débat en 2014 à Varsovie, dans toute la Pologne. Merci d'être venu et un grand merci à vous, Clara Royer, d'avoir permis d'organiser ici à l'Institut français cette émission, mais ainsi que toutes les autres, et en particulier celle que nous écouterons jeudi autour de ces nostalgies, donc au nom du CEFRES, le Centre de Recherche en Sciences Sociales ici à Prague, qui, rappelons-le, vous l'avez dit au début de cette émission, ne s'intéresse pas qu'au cas et à l'espace géographique de la République tchèque, mais aussi à la Slovaquie, à la Hongrie et à la Pologne. Merci à tous les trois. Merci, au revoir. Merci. Merci. Cette émission, comme toutes les autres de la Fabrique de l'Histoire, est écoutable sur le site de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur les réseaux Twitter. Demain, nous poursuivons cette série consacrée à l'Europe centrale et à son histoire. Et nous nous intéresserons à l'histoire de la dissidence tchécoslovaque et de la Charte 77.